Chapitre 4e. La Kouba. De petits monuments d'une blancheur immaculée, qui brillent au soleil avec un scintillement d'étoiles, arrêtent forcément le regard de tous ceux qui traversent les silencieuses contrées de l'ouest algérien. Ils surgissent, de distance en distance, à la pointe extrême des mamelons, parfois solitaires et sans ombrage, parfois abrités sous des arbres séculaires, aux rameaux desquels sont pendus des chiffons de toutes couleurs, modestes ex-voto, témoignages d'une naïve crédulité et d'une foi profonde. Ces monuments sont des koubas, tombeaux de marabouts ou refuges élevés en souvenir de quelques faits miraculeux. Parfois, de simples amas de pierres vives, disposés en pyramides, surmontés d'un semblant de drapeau qui flotte au vent, sont aussi des points de ralliement pour les Arabes de cette province, la plus fervente et la plus superstitieuse de l'Algérie. Parmi ces stations pieuses, une des plus vénérées est celle de l'Alamarnia. On prétend, sous la tente, que l'influence posthume de cette thaumaturge est encore toute puissante, et l'on raconte aux petits-enfants les miracles qu'elle accomplit de son vivant avec la protection d'Allah. Ses louanges ont passé sur les lèvres de plusieurs générations. Pour honorer à jamais sa mémoire, ses restes furent déposés dans la Kouba qui, depuis, est un but de pèlerinage, une halte pour les voyageurs, un rendez-vous pour certaines fêtes appelées Ouada. Cette Kouba, en temps ordinaire, est peu fréquentée. On l'aperçoit de très loin, posée comme un oiseau blanc sur une éminence de terre rougeâtre et nue. De près, c'est un petit temple carré, barbouillé de chaux, couronné d'un dôme assez pur de lignes et placé juste au milieu d'un cimetière. À l'intérieur figurent les sarcophages de plusieurs vertueux marabouts. Celui de l'Alamarnia est enfermé dans une boiserie à jour, grand coffre peinturé d'arabesques grossières et pompeusement surmonté de drapeaux en brocart d'or dont les hampes, avec leurs croissants, avec leurs boules ciselées, vont toucher le sommet de la coupole. Sur les murs encadrés d'ogives, à côté des empreintes grasses des mains qui s'y sont appuyées, on découvre plusieurs mains gravées en relief pour préserver du mauvais œil. Au dehors et tout autour du monument s'échelonnent les humbles pierres tombales de la foule des morts, enterrées les pieds tournés vers le levant, terre d'Abraham et tombeau de Mahomet. Aucune épitaphe. Quelques pierres, plus élevées que les autres, sont l'objet d'une vénération spéciale. Parfois, le soir, à la porte de la Kouba, brillent les feux qui allument des Arabes fatigués, décidés à passer la nuit sous l'hospitalité sainte de ces murs. Au loin, se prolongent ces steppes infinies qu'arrose la Mouila, et qui vont, à 7 lieues de là, mourir aux premières assises d'une chaîne de montagnes dont les anneaux traversent la frontière du Maroc. Çà et là, les fumées de quelques douars invisibles sortent des ondulations du terrain. Elles trahissent la présence d'une population limitrophe, sans cesse exposée aux coups de main d'habiles rôdeurs qui savent échapper à toute poursuite en changeant de pays. Dans le lointain, une tache verte s'allonge de l'ouest au nord. C'est une forêt de térébinthe. Et par certains temps clairs, la première ville marocaine, Oudja, montre dans une vapeur fluide ses jardins, ses maisons, ses mosquées. C'est à cette Kouba que s'accomplissent les vœux, que se terminent, par des serments, la plupart des contestations et que se porte en masse, au jour de calamité publique, une foule anxieuse et misérable pour y faire de solennelles invocations. Une longue sécheresse menace-t-elle la récolte? C'est au pouvoir surnaturel de l'Alamarnia que l'on recourt. Ces mannes sont conjurées d'assombrir l'azur d'un ciel étouffant et de répandre sur la terre l'eau des nuées sans laquelle la disette est inévitable. De toutes parts, on accourt, on se rassemble avec l'attirail d'un campement provisoire. Des joueurs de terbaïr, des tambourins et des chèvres pour le sacrifice. Le cimetière est envahi par une multitude en guenilles. Des feux s'installent, des cuisines s'improvisent dans les intervalles étroits qui séparent les sépultures de tant d'êtres disparus. On marche en trébuchant entre les jambes d'animaux qui s'étirent, se roulent sur le sable, à côté de groupes accroupis ou de gens affairés par les apprêts d'un festin. On se heurte aux objets de toutes sortes qui traînent pêle-mêle sur le sol. amphores remplies de beurre, outres velues toutes gonflées d'eau, sacoches bourrées de farine, plateaux de bois grossier, poteries enfumées, et le pied foule des loques salies, effilochées, racornies, des lambeaux de couverture à larges rayures noires, des bas de mulet souillés de graisse, des brides recousues, des harnachements rapiécés, qui dénoncent à l'observateur la résistance voulue de ces populations primitives au courant des civilisations modernes. Le tumulte s'accroît à mesure que grossit la foule. C'est une confusion de voix enfantines et de paroles graves entrecoupées par le bêlement des chèvres qu'on égorge ou par des braiements d'ânes heureux d'être délivrés de leur fardeau. Sur les marches lézardées de la Kouba, les musiciens, dignes du respect des sages, prennent place auprès des marabouts, fils de marabouts. Et les tambourins résonnent sourdement et des chants s'élèvent, cœurs de femmes mal vêtues portant au cou le collier à gros grains, signe distinctif des musulmans qui ont accompli le voyage à la Mecque. Le couteau fouille les entrailles fumantes des victimes. Près de sa peau sanglante, une bête dépecée est ficelée entière avec ses cornes autour d'une longue perche que deux arabes font mouvoir devant un brasier, une main sur les yeux pour se garantir des étincelles. Et les plus pauvres, amaigris par un long jeûne, suivent d'un regard avide la cuisson de cette chair qui se dort petit à petit, constamment arrosée de beurre et parfumée d'aromates. Le soleil, à son déclin, verse sa lumière empourprée sur ces pauvres gens, dont les haillons misérables grouillent comme les toisons d'un troupeau de moutons. C'est avec un entrain peu dissimulé que les groupes se resserrent autour des grands quartiers de viande rôtie et des plateaux chargés de couscousou, de tajine et de galettes au miel. Les plats circulent. Les notables d'abord se rassasient, ensuite les humbles, enfin les serviteurs. De jolis enfants, adorablement capuchonnés, laissent apercevoir leurs grands yeux noirs. Ils se tiennent au milieu de la fête presque sans bouger, rêvant à la part qui pourra leur revenir de ces bons morceaux lorsque leur tour sera venu. Leurs visages sont sérieux, leurs mouvements graves. Ils ont déjà de la dignité. Leur grâce enfantine est mélangée d'une précoce mélancolie et d'une sorte d'indifférence imitée de leur père. Hommes circonspects qui font mentir l'adage philosophique du vieux Rabelais, car si le rire est le propre de l'homme, il ne caractérise guère l'arabe, austère comme le pays qu'il habite. Peu à peu, la nuit est venue changer la physionomie de cette scène. Au fond d'un azur ténébreux pointillent quelques étoiles. La lune paraît. Les ardeurs mourantes du couchant s'éteignent tout à fait. Une lumière pâle blanchit les campagnes. Un calme imposant se fait autour de ce coin bruyant. Certaines tombes, tout à l'heure inaperçues, se sont enveloppées d'auréoles légères qui tremblent au-dessus de lampes invisibles. Des lueurs imprévues, des profils bizarres, projetés par les foyers, courent sur les faces nues de la Kouba. Des êtres passent dans un rayon de lune. D'autres, les pieds devant la flamme, éclairés sous le menton, prennent des expressions fantastiques. Entrevues dans l'épaisseur des ombres, des figures drapées vont et viennent avec des démarches de fantômes. On dirait que les âmes errantes de ce lieu funèbre se sont mêlées à la foule des vivants. Mais l'attention s'est reportée tout entière vers la Kouba. Ceux qui n'y peuvent entrer, car elle est petite pour tout le monde, se contentent de jeter un regard par l'ogive béante de la porte, et leurs figures s'éclairent du reflet des cierges allumés dans l'intérieur. D'autres se bornent à écouter les chants et la musique. Quant à ceux qui ont pu se glisser dans le sanctuaire, ils assistent à des scènes étranges. Là, des femmes, sérieuses comme des divinités, sont assises, les jambes croisées, le long des murs. Quelques autres, cariatides vivantes, se tiennent debout dans les encoignures des ogives. Leurs chairs ont les reflets du bronze. De longs sourcils qui se rejoignent par un tatouage léger ombragent leurs yeux obliques, agrandis sur les bords par le bleu d'une teinture. Le milieu de leur front et les pommettes de leurs joues sont marquées de petites étoiles gravées dans l'épiderme. Plusieurs rangs de colliers en verroterie, mêlés de corail et de monnaie turque, tombent de leur cou ou sur leur poitrine, entre les agrafes d'argent ternies qui enchaînent le haïk, sur chaque épaule, à la naissance des saints. Leur gorge soulève cette masse d'ornements, lorsque pour chanter elles entr'ouvrent leur bouche de sphinx et marquent la cadence en frappant l'une contre l'autre des mains rougies avec du henné. La lumière vacillante des cierges, de temps en temps, allume dans leurs yeux de rapides éclairs. Les musiciens ont trouvé place sur le couronnement des sépulcres. Derrière les énormes tambourins qui les couvrent comme des boucliers, ils s'agitent entre les hauts étendards. Ces majestueux témoins des victoires passées les enveloppent comme des gloires et les caressent de leurs franges d'or chaque fois que la brise extérieure, passant au-dessus des têtes, vient éventer leur front en sueur. Rien d'abord qu'un prélude doux, monotone, des modulations barbares alternant avec d'aigres voix qui chantent à l'unisson, un bruit rythmé, égal, persistant, auquel on finit par trouver certains charmes sauvages. Progressivement, leur rythme s'accélère, les tambours ont une résonance plus mâle. Tout à coup un cri, presque un cri de bête, retentit dans l'étroite enceinte, et tous les yeux se portent en même temps sur une femme qui se tord comme si un serpent venait de la mordre. Un feu intérieur paraît la dévorer. Elle roule des yeux extatiques, ses bras nus frémissent, ses doigts sont crispés. Les vêtements en désordre, les cheveux épars, elle se dégage de ses compagnes, se dresse contre la muraille où tremble son ombre, jette en l'air des mains suppliantes qui semblent à la fois étreindre et repousser une vision. À quelle appréhension veut-elle échapper? Quel mystérieux prestige l'entraîne vers l'inconnu? Elle hésite encore, mais l'espace vide réservé près des musiciens la fascine, l'attire. Elle s'élance, et 20 tambours, frappés à la fois, se penchent sur elle, troublent son ouïe, pendant qu'une vieille, ridée, osseuse, présente à ses narines un fourneau de terre où brûle de l'encens. Elle respire, à plusieurs reprises, ce parfum qui monte à son cerveau, le pénètre et l'étourdit. Une beauté singulière relève ses traits déjà flétris. Émue, palpitante, elle exécute alors, en piétinant sur place, un léger balancement de tout le corps, contenu d'abord, mais qui, peu à peu, par une progression constante, s'accroît, s'accentue avec de brusques renversements de la tête sur les épaules. Sans cesse excitée par les cris d'allégresse de ses compagnes, suante, essoufflée, elle accélère encore la violence de ses mouvements, faisant sonner les talismans et les pendeloques de métal qui se heurtent sur sa gorge avec un cliquetis d'armure. Est-ce là une danse? Quelle peut être exactement la signification de cette pantomime passionnée? Et quel nom donner à ces contorsions sous l'empire desquelles la femme abandonne toute sa grâce pour n'offrir que l'image pénible de la démence? Cela dure des heures entières jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'épuisement. Vaincue enfin, évanouie, elle s'affaisse, raidit ses membres, roule sur la dalle sonore. Plusieurs matrones aussitôt se penchent vers ce corps inanimé, le relèvent, l'emportent hors de la couba, le déposent près de ses murs et l'y oublient. D'autres hallucinés prennent sa place. Avec les mêmes gestes, la même exaltation, elle renouvelle jusqu'au matin ses cérémonies mystérieuses. Tour à tour anéantie, elle succombe à leur délire. Souvent, ces convulsionnaires, voulant afficher leur mépris de la douleur physique, et démontrer qu'elles sont invulnérables, permettent à leur corps religionnaire de frapper leur corps engourdi, de le piétiner, de marcher sur leur ventre, sur leur sein, devant des enfants étonnés et des vieillards blasés d'un tel spectacle. Le dôme de la blanche couba dessine déjà sa courbe gracieuse sur un ciel matinal d'une extrême pureté. L'alouette salue joyeusement par sa chanson le réveil de la nature. Les exhalaisons embaumées qui précèdent les belles journées montent dans l'azur. Bientôt le monticule s'éclaire. Un jour encore blafard se répand sur le cimetière converti en bivouac. Parmi la foule des Arabes, sur le sol nu, une douzaine de femmes gisent étendues comme des créatures ivres mortes. Alors, au seuil du tombeau de l'Alamarnia, une à une, ressuscitent les femmes en léthargie. Le sens peu à peu leur revient. Elles rajustent machinalement les turbans fripés de leur coiffure, remettent les agrafes de leurs draperies souillées par un mélange de poussière et de sueur, pendant que tout autour d'elles, scellées et sanglées, les mules et les bourriques reprennent leurs fardeaux. Les brises fraîches du matin, passant sur leurs visages blêmes, soulèvent les mèches de cheveux encore à demi collées sur leurs tempes. L'air hébété, les yeux troubles, muettes, immobiles, elles attendent le signal du départ.